Mes amis, justement, hier, j'avais commencé à vous raconter ma visite à Zouzou. J'ai été le voir, je vous le rappelle, mon voisin de la braguette arrière, pour qu'il me dise si j'étais tombé amoureux ou pas d'une fille que j'avais rencontrée la veille dans un bar. Il m'avait demandé de fermer les yeux et de penser très fort à elle, puis de lui raconter ce que je ressentais. On en était là. Voilà, tout le son, quoi. Oui, bah, il y a deux secondes, je me concentre. Alors, je pense à elle. Oh, j'ai l'impression que tout s'arrête autour de moi, que le son est coupé sauf celui de ses pas. Quand je vois son image nette au milieu d'un fond flou, mes dents font des claquettes et mon cœur devient fou. Il s'emballe, il colère, il est proche d'exploser. Ah, mais je n'en ai que faire car je suis subjugué. Je veux m'approcher d'elle et sentir ses cheveux, lui respirer les lèvres, me noyer dans ses yeux, puis la prendre dans mes bras, la serrer à l'oxyre. Lui imprimer l'étreinte qui tuera le partir. Lui dire sans bruit ses mots et lui chanter sans son. Que ma vie serait sans elle, maintenant une vie de con. Oui, quand je pense à elle, c'est comme une évidence. Je veux vivre au pluriel, qu'elle me laisse ma chance. Je ferai d'elle une déesse, à nous deux nous ferons loi. Je lui offrirai l'ivresse, la fièvre et les émois. Devant nous les obstacles, jamais il n'y en aura. Et même la vieillesse ne nous rattrapera pas. Je veux connaître son corps sur le bout de mes doigts. Son odeur me rend ivre, elle m'habite déjà. Oui, j'ai envie d'oser la retrouver. Envie d'aller lui dire qu'il faut tenter. Oser se dire qu'on s'aime et qu'on veut être heureux. Et même s'il n'en sait rien, moi je le sais pour deux. Voilà, Zouzou, je pense à elle et ça donne ça. Alors? Mais c'est beau, Helmut, quand tu penses à elle. Bah, je te demande pas si c'est bon, je te demande si je suis amoureux ou pas. Mais c'est pas l'amour, Helmut, c'est encore plus grave que ça. T'es comme le colibri qui veut faire son nid et vient de croiser mes colibris ou pas comme now. Tout là dans la peau. Et merde. Voilà, mes amis. Le verdict de Zouzou est sans appel. Apparemment, je suis amoureux. Ah, heureusement que je connais un antidote pour ce genre de conneries. Je vais aller au bordel boire du schnapps avec les putes. Après, ça ira mieux. Ça va me calmer les sentiments, ça. Et comme dit ma maman, si tu crois tomber amoureux, va voir les filles. Quand tu auras fini, t'auras plus le sang qui bout, t'auras juste le bout qui sort. Allez, au Wiedersehen.